final, ni de la pointure de ses chaussures. Mais c'est plate. Pas toujours facile. Plou! Smash! Merci à tous pour vos encourageants commentaires. T'sais, on est tellement populaire qu'on n'est plus capable de fournir... Alors, que je suis pas tout seul, hein? CISM. En espérant que vous avez apprécié. 89.3 FM, La Marge. La programmation du Festival international de jazz de Montréal est enfin dévoilée. Vos artistes préférés seront en ville cet été. Le groupe coup de cœur The Bar Brothers, l'excentrique sextet parisien Caravan Palace, aussi l'ensorcelante Sophie Hunger chante Dylan, suivi de Billy Drag Solo, frisson garanti avec Timber Timber et le hip-hop futuriste de Deltrend 3030. Billets en vente maintenant sur admission.com. Présenté par TD, en collaboration avec Rio Tinto Alcan, en association avec La Presse et CISM. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir à tous, bienvenue à votre première édition de l'émission Le Terminus. Je m'appelle Jean-François Lusignan et je serai en votre compagnie au courant de la prochaine saison estivale, donc émission Le Terminus, une émission dédiée au rock indépendant de la scène locale et d'un peu partout dans le monde. Et je vais me permettre aussi peut-être un peu de dévier parfois un petit peu du son de l'émission. Et donc, pour cette première émission, j'ai prévu pour vous le nouvel album du guitariste des Dears, Patrick Creef. Aussi avoir du nouveau Blood Red Shoes et plusieurs autres trucs là, qui sont sortis depuis le début de l'année. Vous allez voir, j'ai accumulé quelques petites choses, quelques petites découvertes que je vais vous faire justement découvrir dans les prochaines semaines. Et ça va commencer ce soir. Et à chaque semaine, on va avoir aussi le classique de la semaine. Et ce soir, c'est Built to Spill que vous allez entendre en fin d'émission. Et restez là parce que dans une vingtaine de minutes, j'aurai en entrevue téléphonique Jonathan Ralph, le Torontois derrière le projet Indoor Voices, qui va nous visiter la semaine prochaine en spectacle à Montréal. On va débuter avec Red Mass qui reprennent une chanson de Jésus des filles sur une compilation assez cool qui a été produite ou montée dans le but d'amasser des fonds pour la radio de l'Université de Concordia, CGLO, qui est au 1690 AM. Donc une compilation de groupes montréalais qui reprennent d'autres groupes montréalais. Par exemple, les groupes Stars, Godspeed, du Black Emperor, The Unicorns et plusieurs autres groupes ont été repris de la même façon. Nous, on va écouter une chanson de Jésus les filles qui est reprise par Red Mass. Ça s'appelle « Mon violon ». Et ça sera suivi du dernier « PS I Love You » avec « Don't Go ». Tout ça sur les ondes de la marge, c'est ISM. Just like it. moi c'est rien pour toi. Plus qu'un coup de fric, plus qu'un analgésique. C'est une obstination, c'est le savoir-vivre. Et tu respires en somme, au centre d'un crâne vide. Tu me dis qu'il me reste, pour plus rien tout passer. Je reste sans savoir, une réalité. Une électrocution, où l'on ne peut que dire. Ce n'est pas la peine, on peut s'attendre au pire. Ça changera notre avenir. À la masse file, maman à l'âme grise, regarde l'horizon, funèbre dans le mille. Et c'est cette tension qu'on a ce qui reste, sans un dernier frisson, ou lâcher comme des bêtes, ce qui changera notre avenir. Qui reste en son pouvoir, juste pouvoir être libre comme des bêtes, à ne plus réfléchir dans un espace où on peut crever en paix, comme des bêtes, comme des bêtes, comme des bêtes, comme des bêtes. Un duo de Bordeaux, il s'appelle Magnetix. C'était avec Comme des bêtes, qui est de leur troisième album Drogue électrique, qui est sorti l'automne passé. Juste avant, c'était un autre duo, PS I Love You, avec I Don't Go. Et leur nouvel album Bad Dreams est pas mal bon, en passant, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Je crois qu'il y a plusieurs sites qui offrent encore des possibilités de l'écouter en streaming, qu'on dit en anglais, à défaut de trouver un autre mot. Et si ça vous intéresse, les gars d'Hamilton en Ontario seront à Montréal le 2 juin prochain au Hill Motory. Et rassurez-vous, si vous n'avez pas le temps d'entendre ou de noter ce que je dis à propos des groupes qui jouent, parce que la liste des chansons que je joue ce soir va être disponible sur le CISM 893 quelques minutes après la fin de l'émission. Et également, vous allez pouvoir retrouver ça sur leterminus.ca. On va poursuivre avec le projet solo de Patrick Creef, qu'on connaît surtout comme étant le guitariste des Deers. Eh bien, il y a également un projet solo. On va entendre la chanson Forever Goodnight qui est sortie il n'y a pas tellement longtemps. Et restez là parce que dans moins de 10 minutes, j'aurai Indoor Voices qui sera là pour parler de sa venue à Montréal mardi prochain. Il sera là en entrevue téléphonique. Ça risque d'être pas mal intéressant. C'est toujours à l'écoute du Terminus, une émission dédiée au rock indépendant. C'est la première ce soir. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Stay you. C'était la chanson Always d'Indoor Voices. J'ai maintenant le plaisir d'avoir à mon compagnie sur le téléphone Monsieur Jonathan Ralph. Hi, Jonathan. Hey, Jeff. How are you doing? I'm good. How are you? Very fine. And you're right now you're in Toronto at your home? I'm in Toronto sitting in a parked car. Cool, cool. So we are here to talk about your new album, Nevers, which was released independently last September, if I'm right. Yep, that's correct. Yes, and on that album you were responsible for everything, I think, huh? Yeah, pretty much everything. It all happened over the previous year, with the exception of the instrumental song "Bastard Fear," which I started around 10 years ago. Okay. In the liner notes it explains it, but most of the songs are recorded in the second bedroom in our condo. Okay. Over the course of a year. Okay. And we added drums in studio later for a couple of okay. the songs as well. And you were responsible for the writing of the songs and mostly? Yes. Yes, okay. For you, you were previously in another band. It was called the Junitile. It was a trio. And what was for you the big difference between being in a band with other bandmates and being on your own? Essentially, like, the songwriting process for me is pretty much the same for both bands. Junitile, it was kind of a bedroom project in the beginning as well. Okay. Mind you, the technology wasn't all there yet. I was, you know, when I first started recording at home, I was on Windows 95 on a Pentium 2. Mm-hmm. And we've come quite a ways since then. But my role in that band was pretty much the same thing as it is now. We did release a full-length record with Junitile, which was more of a band effort, but all of the EPs that we did were all bedroom recordings. Okay. And at that time, when you were in a trio, you had people to challenge your songs, your feelings, your ideas. And was it different with Indoor Voices? Yeah, it is different. With the studio record with Junitile, yeah, there was quite a few squabbles, and it ended up costing the band its existence because there was just too much clashing going on with Indoor Voices. Mm-hmm. You had to find ways to have attractivity to your songs, or to know if it was good or not, maybe. The challenge in yes, was it a challenge? Indoor Voices, was it a challenge to know if what you were doing was good or not? Because when you are alone, you always think it's good, but it was. I'm probably my own worst critic. I'm always second guessing myself, but I think that's good at some point. That's good at some point because the album is good. So now. You can tell yourself that was a good. They were good ideas, and on that album, Nevers, you were, Jonathan, responsible also for all the artwork of the album. I read in the sleeve. Yeah, for the art. And I didn't know what I was going to do for the artwork for it. I'm a graphic designer. Okay. Cool. That was my job. I wasn't sure what I was going to do for it until I have a friend who's an artist. Dave Trotremus, here in Toronto, and he just purchased a laser cutter and sort of challenged me, said, why don't you think of something to do with laser, with the artwork would utilize that. And the result is great. I have it in front of me right now, and it's really great. Okay, I'm gonna translate maybe a little bit what you said to people who are listening to us right now. Alors, Jonathan Ralph de Indoor Voices me parlait du processus de création de son premier album solo, en fait, Nevers. Lui qui était avant dans un trio qui s'appelait Junitile, donc le fait de créer seul, peut-être qu'il manquait, il y avait une nécessité d'avoir parfois de la rétroaction. ce qui est plus facile quand on est dans un groupe. Il me disait également qu'il était responsable de l'art de la pochette, parce que lui-même ayant étudié en art par le passé. So, Jonathan, for this album, Nevers, you use a lot, I think, Bandcamp, all the internet for the promotion of the album. Mm-hmm. Mm-hmm. For you, was it a necessity to use Bandcamp, all these forms? It's tough. Between Juntal and Indoor Voices, there was about 7 years where I didn't do music, and it's changed a lot in those years. Social media is so huge now, and labels are sort of disappearing. And in order to get your things out there, you need to embrace what's available to you. Bandcamp is pretty cool for that. And for the bands, Bandcamp has changed a lot, because now you don't have to give your music, but you can give the choice to people to give you some kind of money, $2 or nothing, so that you have some kind of something in return. Yeah. And you decided to choose the option of to give the choice to people to give their price. Yeah, it's when we're giving out digital files, it's they're kind of an intangible thing. I mean, in a perfect world, everyone who had my record across the world would have paid, you know, $10 or whatever for it, and I'd be paying more bills with it. But I think the most important thing with any type of art is giving people access to it, and doing pay what you can is. I mean, I think a lot of people have paid for it, like for the digital one, paying full price, and that's shocking to me when people do that. But at the same time, I'm not gonna. So more people were able to download your album and to know you at the same time, because when you do shows, it gives you opportunity to people to know you in advance, because for example, you will be in Montreal next Tuesday, if I'm right, at L'Absinthe, the bar L'Absinthe in Montreal. Will it be your first time in Montreal? It won't be my first time in Montreal, but it'll be my first time playing music in Montreal. Okay. I'm really excited for that show. We'll be playing with a band from California called Warm Weather, who I met through Twitter. Okay. They have great, sunny, beach-soaked sounding music. And then Montreal native Sally Paradise, who have incredible music as well. And it's... I don't know. It's really neat that that's a good lineup. I have the opportunity to meet these types of people through social media, and I don't know. Yes, cool. That's cool at the same time. Yes, and Jonathan, you're part of the with Indoor Voices. You're part of the what we can call the Toronto music scene. Do you feel being part of this scene, or are you involved in the scene? It's weird. I think, in 2002, 2001, I was, involved in a scene. Back when Juntal was actively gigging, we played with some great bands like A Northern Chorus and Melanova. We even played a bunch of very early shows for Tony Decker and Great Lakes Swimmers. So I think, back then I felt like I was a part of a scene in Toronto. Okay. Having been absent from that for, years or so, kind of feel like I'm just starting all over again. Okay. And, because there are... Yeah, it's changed a lot. There are a lot of new bands and artists on the scene right now. Yes. Do you have... it's hard to keep track of. Do you have, for examples of... of good bands that we have to know right now in Toronto? Or? Oh, we played with a bunch of bands last night at the Horseshoe Tavern, and one band that we played with was exceptional as a Bronx cheerleader. Okay. And they're from St. Catharines, Ontario. Mm-hmm. I was actually their drummer, Marshall Bureau. He used to play in a Northern Chorus 10 years ago, and so it was neat catching up with him as well. But yeah. Okay, cool. We're going to check it on the internet, I guess, on Bandcamp maybe. Yeah. And I'm going to translate a little bit, Jonathan. Alors, j'ai parlé avec Jonathan d'Indoor Voices du fait qu'il a beaucoup utilisé Internet et Bandcamp, entre autres, pour la promotion de son album Nevers. Il a eu le choix, à un moment donné, de laisser aux gens le choix de payer ce qu'ils voulaient. Et ça a peut-être permis la chance à plus de gens de découvrir sa musique et également de gens de découvrir le groupe en vue du spectacle qui s'en vient mardi prochain au bar L'Absinthe avec Sally Paradise et Warm Weather. Et par la suite, j'ai parlé avec lui de la scène de Toronto. Il me disait qu'il était absent pendant peut-être cette année de la scène. Alors les contacts, maintenant, il est de retour et peut-être certains contacts sont à retisser avec les groupes de la scène locale torontoise. Et il parlait d'un groupe là, qu'il faut surveiller. So, Jonathan, we can talk. Maybe say again, you're going to play a show next Tuesday. It's March 15 at Bar L'Absinthe in Montreal. Yeah, we're really looking forward to it. And are you planning? I saw on the internet that you posted on SoundCloud a new song. Are you planning to release new songs in the next months? I would hope to. I've been trying to figure out what sort of format we'd be working in. We're hoping, mm-hmm. at this point, we're hoping to complete another couple songs and maybe do a 4-song EP. Cool. And also, planning to do a vinyl release for Nevers as well, which would require some remastering and remixing of the songs right now. But yeah, that's what we're working on. Cool. So we're gonna check. We're gonna follow your band on the internet. You have a Facebook page, I think, and a website also, Indoor Voices. What's the address of your band on the internet? Indoorvoices.com. Oh, that's not complicated. So thank you, Jonathan, for being with us at CISM tonight. Thank you. Thank you for talking to me. Thank you, and we're gonna see. Thanks for playing our stuff. Yeah, that's a pleasure because it's good music. So we're gonna see you next Tuesday, Jonathan. Bye bye. Bye bye. Look forward to it. Alors, on va maintenant retourner en musique avec Baxter Dury, Isabelle sur les ondes de CISM. A slim man's taking chances with another girl. She could be in America, dancing on a patio. She's living it up in another dreary disco town. Sleeping

C'était Blood Red Shoes de leur nouvel album Time to Voices. C'était la chanson Stop Kicking. Et je remercie peut-être au passage Mélanie Lapierre de l'émission Le Dune Café qui est spécialisée en musique britannique, qui m'a permis de mettre la main sur cet album-là, puisqu'il n'est pas encore disponible en Amérique du Nord. C'est vraiment dommage. Et peut-être vous rappeler aussi que l'émission Le Dune Café joue le mardi à 21h. Et Blood Red Shoes, c'est un duo de Brighton en Angleterre. Et ils sont, selon ce que j'ai vu sur Internet, en tournée actuellement en Europe. Et il va falloir probablement falloir attendre encore un petit peu avant de les voir de notre côté de l'océan. Juste avant, vous avez aussi entendu Blair, le projet d'une fille de Nouvelle-Orléans, en fait, mais qui habite maintenant en Brooklyn et qui a sorti un album de pop-rock, peut-être façon Land of Talk, on peut dire, qui s'appelle Time to Voices. Non, c'est pas ce nom d'album, c'est Die Young, le nom de l'album qui est sorti l'année passée. On va poursuivre tout de suite avec Drop Out Venus, une chanson que vous pouvez télécharger gratuitement sur leur Bandcamp. La chanson s'appelle Love in Vain sur le Terminus, une émission dédiée au rock indépendant. Love in vain. L'arme puissance explosion de Phil Console de son EP « Je fuis la vie ». Je riais parce que j'oublie à chaque fois qu'il y a un bébé qui crie à la fin de la chanson. Et bien, vous êtes pas mal arrivés à la fin de cette première édition de l'émission Le Terminus pour la saison estivale 2012 à CISM. Restez à l'écoute parce que après les publicités, ce sera notre ami Étienne Champagne qui va être là avec l'émission Rythmologie pour les deux prochaines heures. À chaque semaine, je vais essayer de terminer l'émission avec un classique de la semaine, on va appeler ça comme ça. Cette semaine, j'ai choisi pour vous le groupe Built to Spill. Ça sera une chanson tirée de l'album There's Nothing Wrong with Love, qui est sorti en 1994. Un album qui, par le magazine Spin, a été placé dans son top 10 des meilleurs albums des années 90. Et on a droit là-dessus là, à des guitares qui sont toujours un petit peu approximatives. Là. Il y a une voix du chanteur assez nasillarde, mais ça s'empêche pas que c'est un super album et que c'est pas facile de choisir une chanson. Ça n'a pas été facile de choisir la chanson que je vous ai fait jouer. Alors, ça sera la chanson Reasons de Built to Spill. Alors, j'appelle Jean-François Lusignan. On se reparle jeudi prochain, 19h, pour une autre édition du Terminus. Portez-vous bien. À bientôt. Improvise.